l'émission autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Que pourriez-vous faire pour quitter votre routine ? Restez avec nous pour le savoir. Je suis actuellement avec Julien Marx. Julien, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, merci, et vous ? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Donc je m'appelle Julien, j'habite Gérardmer, je suis photographe. Je fais toutes sortes de choses en photographie, dont des expositions photo depuis 2014, où j'essaye de faire fondre des paysages, des paysages et pas que d'ailleurs, dans les arbres, dans le feuillage, afin de créer des paradoxes et des mirages, entre autres, voilà. Et ça s'appelle les fenêtres ouvertes, les expositions en question s'appellent les fenêtres ouvertes. D'accord. Alors quel a été votre parcours avant de travailler à Gérardmer Station ? Eh bien, j'ai été moniteur de ski pendant 7 ans dans les Alpes, avant tout, là où j'ai commencé à trouver un peu mon goût pour la photographie et pour l'image en général. Ensuite, j'ai fait divers travaux. Je suis revenu dans les Vosges par la suite. J'ai été vendeur, j'ai fait divers métiers. Et j'ai été photographe j'ai commencé à être photographe pour des magazines, suite aux premières expositions que j'ai fait d'ailleurs. J'ai été photographe pendant assez longtemps pour NEC Magazine. Et puis j'ai fait aussi de la photographie d'architecture pour les différentes locations qu'a à faire Gérardmer. Divers, c'est là. Et enfin voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler là-bas ? Déjà, je suis né à Gérardmer. J'ai grandi sur ces stations. Donc je l'ai vu évoluer. Et donc ça n'a jamais été vraiment un souhait, ou peut-être que vraiment quand j'étais très petit de travailler à la station. Mais en tout cas, quand on m'a proposé de venir, quand Benoît Perrin, le directeur de la station, m'a proposé de venir pour justement faire du contenu vidéo, créer des vidéos et créer du contenu, j'ai accepté tout de suite. C'est quelque part quelque chose de très symbolique, quoi, d'être né à Gérardmer, d'avoir travaillé dans les Alpes, d'avoir rêvé pourquoi pas d'être un petit peu dans les Alpes, hein, et d'être revenu aux sources et de travailler dans la station de ski là où j'ai grandi. C'est assez cool, je trouve. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? De créer tout le temps. Enfin, de créer, d'essayer d'imaginer des choses qui n'existent pas. C'est de plus en plus compliqué. Il faut se tenir informé assez souvent, regarder un peu tout ce qui passe. Afin de... Alors pas forcément de s'inspirer, de voir ce qui se fait, mais justement d'éviter de faire ce qui se fait, dans la mesure du possible. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors je suis... Vulgairement dit, on dit que je suis community manager. Et après, ce qui est le cas, je travaille avec Camille Ferrandon, on est deux à ce poste-là, et donc on réalise tous les deux, on doit réaliser des photographies, et depuis cette année, on réalise des vidéos, on réalise des petits courts-métrages, donc pour différentes occasions de l'été. Voilà, mon travail, clairement, c'est de réaliser du contenu pour les réseaux sociaux, et d'imaginer des événements également, pour D'accord. la station. Vous faites de la com, en fait ? Oui, complètement. Est-ce qu'il faut un diplôme ou une formation pour exercer cette profession ? La preuve que non. Après, il faut du temps. Peu importe si on a le diplôme ou même si on a le diplôme ou si on n'a pas de diplôme, c'est des postes très très convoités. Et donc, même si on a le diplôme, faut attendre son tour. J'ai l'impression que ça se passe comme ça pour ce genre de choses. Il y a beaucoup plus de demandes que de postes vacants. Donc après, c'est des opportunités, tout simplement. Oui, parce que j'avais regardé s'il y avait plusieurs opportunités de profession, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire avant de faire la radio. Et à chaque fois qu'on avait le métier community manager, c'était BTS, Bac plus 3. Donc... Alors, oui, c'est vrai que c'est normalement un poste où il y a un diplôme pour ça. Enfin, en tout cas, il y a une certaine formation pour ça. Après, vu qu'on reste dans un domaine artistique, entre guillemets artistique, j'ai pas l'impression qu'il y ait de diplôme pour l'art. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des passions dans la vie ? Oui, bien sûr. Oui. J'ai le ski, le snowboard, la musique, la photographie, évidemment, la vidéo, l'image. Après, dans mes passions un peu amatrices, c'est de la science. J'aime beaucoup la science en général, tout ce qui est astronomie, physique. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, mais en tant qu'amateur, j'ai un parcours scolaire un peu particulier, ce qui m'a pas permis d'explorer beaucoup de choses en physique et en mathématiques à l'école. Donc par contre, YouTube, pour ça, excellent. Ils ont des documentaires assez cool là-dessus. Ce qui me fascine avec les snowboarders, c'est que je me pose une question, comment vous faites pour tenir en équilibre ? Parce que ça doit pas être facile, quand même. Alors, en équilibre, après, c'est vraiment quelque chose... La grande différence, en fait, entre le snowboard et le ski, c'est que le ski, ça va être très facile à prendre en main dans un premier temps. Mm-hmm. On va pas mettre beaucoup de temps pour faire la chasse-neige, pour faire les premiers virages. En général, il faut 3 jours pour un débutant pour vraiment se sentir plus ou moins à l'aise sur ses skis. Par contre, après, pour progresser et atteindre un niveau exceptionnel en ski, il faut énormément de temps. Parce que la précision, la technique, ça s'affine au fur et à mesure. Et ça va prendre un temps incroyable. Et le snowboard, c'est le contraire. Le snowboard, ça va être très difficile de le prendre en main dans un premier temps, le snowboard, de comprendre justement comment on tient debout comme un crabe, de comprendre comment on tourne, de comprendre comment placer les épaules, de se déséquilibrer, parce que c'est vrai que c'est une position qui est pas forcément naturelle, à part pour les crabes, comme on le disait juste avant. Mais par contre, dans l'évolution sur du long terme, le snowboard va être beaucoup plus facile que le ski pour devenir, entre guillemets, professionnel, pour avoir un niveau d'exception. Parce que moi, avant, je faisais du ski, mais j'arrivais à faire que le chasse-neige. C'est fascinant, je trouve, les gens qui arrivent à freiner vers l'arrière. Comment ils font ? Autant dans le ski que dans le snowboard, toute une histoire de transfert de masse, d'allègement. Si vous voulez faire un virage, que ce soit en ski ou en snowboard, il faut à un moment donné alléger la planche. Il faut se relever. D'où la fameuse flexion-extension des bronzés fonds du ski. La flexion permet de marquer l'appui. Donc de marquer la carre, et l'extension va permettre d'alléger le ski ou le snowboard, et ce qui vous permet ensuite de tourner plus facilement. Et ensuite, il y a aussi des choses à faire au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Mais le plus gros du travail va se faire au niveau de l'allègement du support. Oui, parce que le chasse-neige, à force, les genoux, les cuisses, les mollets, Oui, il faut lever le ski intérieur et le ramener parallèle. Très important quand on arrive dans les lignes de pente. Enfin, c'est la petite parenthèse de moniteur de ski. J'ai fait du ski de fond aussi, c'est pas si facile que ça, parce que des fois, on doit descendre et la piste est déjà faite, mais ça arrive qu'on passe à côté. J'en suis la preuve. Dans les virages, c'est pas facile surtout. Non, les virages, c'est pas facile du tout, et je peux vous en parler aussi, c'est pas facile du tout pour moi non plus, le ski de fond. Je galère beaucoup. Même si j'ai un bon niveau en ski, le ski de fond, c'est quelque chose de complètement différent. Déjà parce que la cheville n'est pas maintenue. Donc rien que pour ça, en montée, ça pose pas de problème. Mais comme vous dites, en descente, oui, ça peut créer des surprises. Effectivement. Parce que même si la piste est faite, des fois, vous arrivez tellement vite que vous n'avez pas le temps de bien vous remettre parallèle sur la piste. C'est vrai. Ou des fois, vous avez le malheur d'avoir laissé les skis dans les rails. Mmh. Et pour faire du chasse-neige, du coup, c'est plié aussi. Et puis une fois qu'on va trop vite, faut juste attendre. Quand je faisais du ski aussi, bon, y en a beaucoup, hein, des gens qui restent accrochés après la perche, qui essayent de résister pour arriver jusqu'en haut, mais un coup j'ai réussi à bloquer la machine. Ah, ça arrive. ça arrive effectivement. Bon, après c'est un réflexe commun, je pense, de garder la canne quand on tombe, déjà pour pas perdre de temps. Et puis après, je crois qu'il y a tellement de vidéos maintenant qui traînent avec ce genre de vidéos où les gens se laissent traîner. Je suis sûr qu'il y en a qui vont exprès aujourd'hui. De nos jours, pour faire des vidéos qu'on voit sur TikTok ou sur les réseaux de part et d'autre, je pense qu'il y en a qui vont exprès de garder la canne en main pour la vidéo, puis pour le délire. C'est devenu un délire, en fait, je pense, de tomber et de se raccrocher à la canne. Un délire, pour toi, je trouve que c'est assez douloureux quand même quand on s'entête à se maintenir comme ça. Alors, c'est assez douloureux, effectivement, pour les bras et tout, mais je veux dire que après, il y a évidemment encore aujourd'hui des gens à qui ça arrive et qui ne font pas exprès du tout. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup à qui ça arrive et qui pourraient faire autrement. Ce qui m'est déjà arrivé aussi, c'est une chute à ski, puis on voit le ski qui descend tout seul. Ah oui, la classique. Il vaut mieux pour vous que vous soyez un petit peu en bas de station dans ce moment-là et que la station ne descende pas plus bas que là où il y a le front de neige. Ça veut dire que la montagne. Bah, du coup, ça dépend aussi de la piste sur laquelle on est, quoi. Si c'est une piste, je crois qu'elle est piste bleue. La piste bleue, c'est déjà pas mal. Hein. Vous risquez de récupérer votre ski assez bas, oui. Comme c'est pas dans les bronzés fonds du ski que ça va pas dans le pare-brise d'une voiture. Oui. Bon, après, dans les bronzés, on va pas se mentir, maintenant c'est quelques années après. C'est un cas particulier, un cas très particulier. Le ski dans la voiture, dans le pare-brise, comme ça, c'est quand même. Je l'ai jamais vu. Après, je suis pas resté dans les Alpes pendant 30 ans, j'ai pas fait ce métier pendant 30 ans, mais bon, je l'ai quand même fait pendant 7 ans. En tout cas, dans la station où j'ai enseigné, j'ai beaucoup enseigné à la Plagne. Le ski dans le pare-brise, je vois pas où ça pourrait être clairement possible. Ce que je veux dire, c'est que cette scène des bronzés, elle est mythique, elle est géniale, je l'adore, mais avec le recul, je me dis, c'est quand même vraiment, c'est vraiment pas de chance, quoi. Enfin, c'est, pour le coup, ils ont vraiment fait le petit détail qui arrive rarement, je pense. Ah, c'est plus pour l'effet comique, en fait. Complètement. Et depuis... ça marche. Je crois que le film a dû sortir dans les années fin 70, début 80. Ouais. Et c'est là qu'on voit que les skis ont évolué depuis. Heureusement. Voilà. Alors, heureusement, je sais pas. Oui, d'une manière générale, oui. Disons que pour le plus grand nombre, oui, heureusement. Parce que maintenant, les skis sont faciles plus faciles à prendre en main qu'à l'époque, justement, des bronzés font du ski. Et après, et puis maintenant, avec le nombre de marques qui s'est multiplié et démultiplié, donc on n'a que l'embarras du choix. Alors, quelle est votre saison préférée ? Eh bien, à la fin de l'hiver, c'est l'été, et puis à la fin de l'été, c'est l'hiver. L'automne, le printemps. Si, j'adore l'automne. L'automne, j'adore pour les photographies. Et puis voilà, les ambiances qu'on a dans le massif des Vosges. L'hiver, c'est un incontournable pour moi. Et l'été, je crois que quand même la saison que je préfère. Ah, c'est compliqué. Parce qu'après, c'est pareil. Plus je prends un peu d'années et plus je tends vers l'été. Mais j'aime quand même beaucoup l'hiver. Alors nous allons faire une pause musicale avant de parler de Gérard Mestation et on se retrouvera juste après. À tout de suite sur RGM 107FM. De retour avec Julien pour parler de Gérard Mestation, mais avant cela, pouvez-vous nous expliquer votre choix musical ? C'est une reprise de Max Richter, d'une symphonie de Mozart, que j'ai découvert il y a assez longtemps maintenant, il y a peut-être, peut-être en 2019. Et en fait, c'est une des seules musiques que la première fois que je l'ai écoutée, j'ai fait une maléchance un peu mélomane, en fait, je suis même complètement mélomane. Et sur cette musique-là, j'ai déjà fait un petit malaise, un semi-malaise, chez moi, tellement elle m'a procuré d'émotions. Ah oui ? Oui. C'est fou, ça. Voilà, donc c'est une musique qui me suit un peu partout. Après, il n'y a pas que celle-là, hein. Des musiques, ça a été d'ailleurs très compliqué, votre question, de choisir juste trois musiques. C'est très très compliqué, extrêmement compliqué, parce que, voilà, comme tout le monde, on en a plein de préférés. Et donc celle-là, voilà, c'était parce que, pour la petite histoire, voilà, qu'elle m'a procuré énormément d'émotions, c'est aussi un morceau de classique. Dans les autres morceaux que j'ai choisis, j'ai essayé de mettre aussi plus différents styles que j'avais bien. Après, j'aime un peu tous les styles de musique. Mais voilà, pour cette musique-là, le choix. Après, on a tous une musique qui nous rappelle un moment particulier aussi. Ah bah, c'est des machines à remonter dans le temps, oui. Les musiques sont des machines à remonter dans le temps. Et donc, celle-là me rappelle effectivement un moment bien précis et puis une époque bien précise de ma vie, forcément. Alors, Gérard Mestation, c'est quoi ? Alors, Gérard Mestation, donc depuis 2 ans, ou cette année, En fait, maintenant, la station de Gérardmer regroupe le terrain nordique et la partie alpine de station, d'où ce nouveau nom, Gérardmer Station, station avec un S. Et donc, ça fait que la régie en fait, de Gérardmer Station gère la partie nordique et la partie alpine. Alors, est-ce que la station est ouverte toute l'année? Alors, toute l'année, plus que certaines stations des Alpes, ça c'est sûr. Mais après toute l'année, il se passe des choses l'hiver et il se passe des choses en été. Et en été, ça peut que se développer. Hein. C'est très récent le fait que la station parle d'ouverture. Donc après, quand je dis d'ouverture de la station, je ne parle pas des remontées mécaniques. Mm-hmm. Je parle de la location de ski de Gérardmer Station qui se trouve à 860 mètres d'altitude. Et donc pour louer son vélo et puis aller au plus vite possible dans la nature, c'est je pense la meilleure location même. Mais après il y a aussi des activités, mais voilà, en dehors des remontées mécaniques, il y a aussi des activités à côté, donc location de vélo. Vous avez découvert du domaine nordique par des swing cars, des petites voitures électriques guidées par Lionel. Vous avez aussi un disque golf tout en haut sur le front de neige de la station, très agréable, avec 9 trous. On peut se détendre, on le fait en groupe et tout, c'est assez sympa. Il y avait du théâtre en début de cette année aussi, en début de saison. Il y a des trottinettes. Malgré que la montée soit fermée, il y a quand même un petit panel d'activités assez sympas qui commence à se faire connaître, voilà, qui tout doucement commence à se faire connaître sur Gérardmer. Il faudra un peu de temps, mais ça peut que faire, le cadre s'y prête beaucoup trop. Après, il y a d'autres stations avec une activité qui monte en flèche, c'est la luge d'été. Oui, exact. Alors après, là moi je vais pas pouvoir trop en parler dans le sens où on parle de budget. Moi j'ai pas vraiment accès au budget de la station, donc je me prononce pas. Évidemment c'est quelque chose qui se fait, après c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'endroits dans les Vosges. Ça dénature quand même pas mal l'endroit, donc je sais pas s'il faudrait... autant faire du vélo, voilà, remonter les remontées mécaniques, évidemment faut le faire, hein, relier les stations entre elles, voilà, que les gens de Gérardmer puissent aller à la Bresse depuis Gérardmer et vice-versa, ça me semble évident, et le lac Blanc aussi, hein, je mets le lac Blanc dedans, hein. Et le Markstein, pourquoi pas, enfin toutes les stations en fait qui veulent bouger l'été. Alors est-ce qu'il y a plus de touristes en hiver ou en été à la station? En hiver directement, mais je pense que ce sera forcément, même si demain les remontées mécaniques ouvrent à la station de ski, donc je parlais du télésiège 6 places qui est le grand haut, même si demain le télésiège 6 places ouvre tous les jours en été, je pense qu'il y aura quand même toujours plus de monde, enfin c'est même sûr, il y aura toujours plus de monde en hiver à la Gérardmer Station, systématiquement. Quelle est l'activité la plus pratiquée par les touristes, peu importe la saison? Le ski, ski, snowboard, pour l'hiver, terrasse, évidemment, terrasse plein sud, fin de journée, avec quelques bulles dans un verre. Voilà, ça je pense que c'est une activité aussi couramment faite, pas que l'hiver d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une pratique qui se fait un peu partout sur la planète d'ailleurs. Donc le ski, après en été, vous avez le disque golf, j'ai l'impression, qui marche bien, et c'est mérité. Vous avez aussi les swing cars. Donc des petites voitures électriques pour découvrir la station tranquillement par les petits chemins, entre les racines, entre les rochers, tout ça, c'est sympa. Mais après, voilà, tout ça, c'est incomparable, bien sûr, avec l'activité qu'il y a l'hiver. Alors, les pistes de ski sont classées par couleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, oui. Elles sont classées par couleur. Donc, vous avez la verte, la bleue, la rouge, la noire. Gérardmer Station a toutes les couleurs. Donc, dans le sens où la verte va être la plus facile, la noire la plus difficile, évidemment. C'est un moyen assez simple de repérer systématiquement pour un skieur confirmé ou pas confirmé, de se dire s'il est en danger ou pas selon laquelle piste il est ou pas. Un moyen simple de voir un peu la difficulté de la piste, oui. Il n'y avait pas une piste jaune aussi? Il me semble que j'avais une piste. Alors, jaune. C'est pour les poussins, non? Non, il me semble que les pistes jaunes, ça doit être plus pour des parcours de randonnée ou des parcours de raquettes. Mais après, dans les pistes alpines, ça va de vert à noir. Alors, est-ce que vous skiez? Oui. Je fais du snowboard aussi. J'ai été moniteur de ski en fait pendant des années dans les Alpes. Donc oui, j'ai encore un bon niveau en ski. Oui. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut débuter dans le ski? C'est la première fois qu'il monte sur des skis. De ne pas se précipiter, comme beaucoup de choses, hein, ne pas se précipiter. prendre conscience déjà que le ski, bah, c'est le prolongement du corps. Donc ça veut dire qu'on a rarement eu des pieds de 1m70. Donc rien que par rapport à ça, il faut s'habituer à ça. Et donc pour s'habituer à ça, il faut commencer sur du plat. Voilà, il ne faut pas aller dans la pente directement. Il faut s'habituer à ces nouveaux pieds de 1m70. Donc faire des mouvements simples, trouver une indépendance des jambes, très important. Et une fois que vous avez trouvé cette indépendance des jambes et que vous êtes à l'aise avec vos skis sur du plat, bah vous pouvez commencer à aller un petit peu dans la pente ou aller aussi sur un peu de pente et avec un arrêt naturel. Le mieux c'est ça, c'est un petit peu de pente et un plat en bas, comme ça on n'a même pas besoin de se préoccuper de s'arrêter ou quoi. Et voilà, mais le conseil voilà, c'est de pas se précipiter, de si vous êtes avec des amis, si vous êtes des amis qui vous disent allez viens on y va, c'est sûr tu vas y arriver, ça va être cool, et si vous avez vraiment jamais skié, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter du ski et de vous choquer du ski. C'est que si vous emmène dans des endroits vraiment escarpés et pas du tout adaptés à votre style de ski, ouais, vous risquez d'être choqué. Et si vous tombez pour prendre la perche, ne restez pas accroché dessus parce que vous embêtez ceux qui sont derrière. Exactement. Alors c'est rigolo d'un point de vue extérieur, mais ça peut aussi détériorer le téléski. Mais c'est rigolo, on est d'accord. Est-ce que vous randonnez aussi ? Oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Enfin, ça dépend des périodes, mais d'une manière générale, j'essaye de... Après, c'est randonnée et photographie, quoi. D'accord. Randonnée et photographie, mais après, d'une manière générale, oui, j'aime beaucoup randonner. Est-ce que c'est le fait d'être dans la nature, au calme, que ça vous plaît de faire de la randonnée ? Ouais. Il y a ce côté, le côté intimiste, évidemment, de se retrouver un peu... Bon, après, généralement, on a la chance d'habiter dans des endroits où ça va, c'est jamais non plus trop surpeuplé. D'une manière générale, sur toute l'année, on va dire. C'est jamais trop surpeuplé, mais de se retrouver vraiment en dépeuplement total, parfois, de comme on peut l'être en pleine nature, oui, c'est assez agréable, j'aime beaucoup ça, oui. Enfin, comme beaucoup de personnes ici, d'ailleurs, oui, on aime beaucoup ça. D'accord, alors nous allons faire une deuxième pause musicale avant de parler de la photographie. À tout de suite sur Radio Gamozo. Solitary light in the dark, then I will. And if we gotta be the only ones sharing our hearts, then I will. We keep on holding things together while they pull them apart, but I will. Spread love to my very last day on this earth, then I will. I will. Spread love, spread love, spread love. Like these people just wanna fly, they just wanna reason, cause they just wanna smile, they just wanna lead them, but they don't want the lies. They want freedom to live because they don't wanna die. We're searching for guidance, so we look to the sky. They know love is the answer, but they don't wanna try. A mother screams a child's name with tears in her eyes, on a sinking refugee raft with no land in sight. What's the wrong or the right? It doesn't cost you to smile or spread love to another person traveling through life. That single act of kindness maybe change the day of their life. That single act of kindness maybe change the day of their life. While surrounded in darkness, I spend my days in the light. To spread love cause we need it, cause they're feeding us lies. Spreading hatred through the matrix is the way they divide. Spreading hatred through their matrix is the way they divide. It changed the way they decide. These days I don't watch the news, cause it's always pain. One-sided stories told, keeping minds in chains. Divide and conquering while corporations gain. And politicians' lies help our freedom fail. But if we gotta be the solitary light in the dark, then I will. And if we gotta be the only one sharing our hearts, then I will. We keep on holding things together while they pull them apart, but I will. Spread love to my very last day on this earth, then hour. Spread love, spread love, spread love. I will. Spread love, spread love, spread love. I will. Nous sommes de retour avec Julien pour parler d'un art que j'aime tout particulièrement, la photographie. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107FM, notre site internet ou par les applications mobiles Orange Radio et Radio Line ou encore grâce à la plateforme Deezer. Alors merci Julien pour ce choix musical parce que la fin ça fait un peu beatbox je trouve. Un peu. C'est vrai. Alors, depuis quand vous êtes découvert une passion pour la photographie ? Disons qu'elle s'est confirmée à la suite d'un voyage en 2013. De 2013 à 2014, en fait, j'ai passé 6 mois au Canada, donc sur la partie ouest du Canada, où j'ai fait pas mal de photographies, où j'ai vraiment confirmé ce que je pensais déjà depuis un certain temps. J'ai toujours été attiré en fait par l'image, que ce soit la vidéo ou l'image en général, j'ai toujours apprécié ça. Mais suite au voyage là où j'ai décidé d'en faire mon métier, d'en faire quelque chose en tout cas. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première photo ? Alors je me souviens de la première photo qui m'a touché, la première photo que j'ai faite qui m'a touché, oui. C'est encore dans un endroit paradisiaque, mais c'était en Nouvelle-Calédonie, il y a longtemps, peut-être en 2006 2007, je sais plus exactement. Et c'était une photo en coucher de soleil, avec palmiers. Enfin, c'était au dos d'une montagne, on voyait une baie plus loin, des montagnes plus loin. Et en fait, j'avais mis un coup de flash au premier plan. Donc, il y avait la lumière en fait sur toute la photo. Et encore aujourd'hui, cette photo-là, quand j'y repense, et je l'ai chez moi bien évidemment, mais elle me fait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la photographie ? Je crois que ce qui m'a plu le plus dans la photographie, dans un premier temps, déjà que ce soit facile d'accès. Mm-hmm. C'est très accessible, très très simple. Ensuite, ce qui me plaît beaucoup dans la photographie, ça va être le cadrage. Je crois que ce qui me fascine le plus, c'est le cadrage. Le cadrage, parce que dans le cadrage, vous avez une manière mathématique d'y réfléchir. dans le sens où il y a des proportions, il y a de la géométrie, dans le cadrage, il y a du chiffre, quelque chose que j'aime beaucoup. Mais voilà, ce qui me fascine le plus, avant tout dans la photographie, c'est le cadrage. Donc après, vous disiez justement que la photographie, c'est à la portée de tous. C'est vrai que maintenant, avec les téléphones portables, tout le monde peut prendre des photos. Et ils sont de plus en plus de meilleure qualité. Après, bon, ça vaut pas un appareil de pro, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Surtout au niveau des portraits, par exemple, le mode portrait. Alors, le mode portrait, oui, vous avez beaucoup de choses sur les téléphones qui sont assez ordinaires. Et notamment, moi, je me rappelle, le premier semi-réflexe que j'ai eu, c'était un Canon 60D de 19 ou 21 millions de mégapixels. Et aujourd'hui, les téléphones font plus que ça. Ah oui. Certains téléphones font plus que 19 millions de mégapixels. Et voilà, donc les certaines personnes ont un appareil semi-pro dans la poche. Ah, c'est bien, c'est ça. C'est assez fou. Le mien, je sais pas combien il fait, mais je pense que rien que ça, enfin déjà rien que le mien, ce qu'il fait comme photo, c'est assez incroyable. Et puis maintenant, il y a des grands angles sur les téléphones et tout. Enfin, c'est assez exceptionnel. Oui. J'ai retrouvé mon appareil photo numérique dernièrement avec les cartes mémoire. Oh, la qualité des photos, comme on t'en voit par rapport à maintenant, c'est fou. Ça, c'est vrai, mais ça a dû être des bonnes surprises, du coup, redécouvrir des photos qui dataient un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ça, c'est des bonnes surprises aussi, ça. Ou alors les appareils photo normales où vous avez le doigt de... Il y a le paysage, mais c'est gâché par un pouce, et ça, on peut pas l'enlever. Non, ça, c'est vrai que c'est particulier. C'est un beau souvenir. Ah mince, il y a quand même le pouce devant, du coup, je vois pas bien. Ça, c'est fallos. Et puis, pour peu que le doigt soit flashé, donc il est tout blanc, tout je sais pas comment, tout cramé. Ça fait un peu photo d'Halloween. Exactement, exactement. Alors, est-ce que vous prenez en photo que des paysages ou vous faites aussi des portraits? Non, je fais de tout. Après, moi, dans la photographie, alors pardon, j'ai fait un peu de avec le micro, j'ai déplacé le micro. J'ai pas vraiment de. Je crois que j'aime tout dans la photographie, dans le sens où ce qui se présente au moment présent est forcément beau à prendre. Donc parfois, bah, ça peut être une personne qui va vous interpeller, vous allez devoir prendre la personne. Parfois, c'est un bâtiment, parfois, c'est juste une rue, parfois, c'est juste un jeu d'ombre, un jeu de lumière, un paysage. Enfin, peu importe. J'ai pas l'impression d'être plus doué dans un domaine que d'autres. Peut-être que je suis d'ailleurs doué dans aucun domaine, hein, c'est pas le problème. Mais la photographie me percute dans bien divers domaines. Alors, il y a une photo moi, qui me marque souvent quand je la vois, c'est la photo des Beatles qui traversent un passage clouté. C'est à la fois, on est à la fois, tout le monde, enfin, la place là, il y en a plein qui passent devant, qui disent « Ah, ça a été passé par les Beatles, tout ça. » On assimile le paysage par rapport aux personnages qui sont passés devant. On assimile le donc par rapport à l'endroit par exemple des Beatles. Voilà, c'est ça. Alors après oui, vous avez alors dans la similitude, donc après on va enlever les personnes connues, mais par exemple vous avez ce genre de précepte, si vous allez à la Tour Eiffel par exemple, si vous allez un petit peu sur Instagram et que vous regardez un peu l'hashtag de Tour Eiffel, donc vous allez avoir différents points de vue de la Tour Eiffel, dont un qui est extrêmement connu et qui est une rue juste à côté de la Tour Eiffel, que j'aime bien, que j'ai découvert par Instagram, où je me suis dit que quand je verrai cet endroit-là, ça va être génial, et c'est un petit peu comme ce qui se fait en ce moment sur Instagram, vous savez, Instagram vs la réalité. Et effectivement, quand je suis arrivé sur cette rue de la Tour Eiffel, donc la rue était belle, hein, c'était parfait. Mais il y avait des voitures dans tous les sens, donc j'ai pas pu prendre la photo que j'avais en tête. Mais bref, voilà, après ça fait partie des aléas, justement, c'est ça aussi qui est rigolo, c'est d'imaginer la photo en tête, d'aller sur place voir comment c'est possible de la réaliser. C'est aussi, la photographie, ce qui est sympa aussi, c'est que voilà, vous avez ce côté de l'instant, effectivement, où par exemple, quand vous allez voir un sport, quand vous allez voir quelque chose qui est actif, dynamique, forcément, ce sera une photo de l'instant, ça va être compliqué d'imaginer une photo avant, pendant le sport, ou alors faudra la mettre en scène. Et après, voilà, vous avez ce genre de photo de mise en scène, vous avez été vous balader, vous avez un endroit, vous allez ici, vous allez par là, et puis quelques jours après, vous vous dites, mais cet endroit-là, si je reviens à cette heure-ci, à cette époque de l'année, j'aurai ça qui sera mis en évidence, ce sera beaucoup plus beau. Enfin voilà, vous avez une manière aussi de alors entre guillemets, de créer avec avec le temps. Parce que vous êtes, voilà, la photographie, vous êtes forcément dépendant du temps. On peut que créer avec comment le temps s'écoule. Donc se projeter sur un endroit, voilà. Moi j'ai quelques photos comme ça, ou que j'ai imaginé avant de les prendre, par rapport à l'endroit, par rapport à la saison. Et voilà, c'est deux configurations de photographie qui sont qui me plaît beaucoup, et je crois qu'il plaît à beaucoup de photographes. Alors je suis fascinée par la photographie, parce que quand on prend une photo, on fige un instant dans le temps, c'est une sorte de super pouvoir, vous en pensez quoi ? Oui, je vais pas dire le contraire, dans les faits c'est effectivement ce qui se passe. Après, il y a beaucoup de photos où on a quand même beaucoup de mal à juger du temps. sur une photo de portrait où on connaît la personne. En fait, s'il y aura des détails urbains, si vous avez des détails des détails de temps dans les différentes photos, oui, après, sur une photo de paysage, ça va être quand même compliqué de déceler le temps, à part la saison, quoi. Mm-hmm. Après, oui, on peut que être d'accord avec cette phrase. Après, c'est pas quelque chose que moi, personnellement, je vais beaucoup utiliser dans mes... si je dois parler de la photographie. C'est un fragment de temps, certes, mais je dirais même que la photographie, en dehors du... C'est un temps qu'on fige, effectivement, mais c'est aussi beaucoup de temps passé pour figer une fraction de temps. Enfin, une belle fraction de temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est... la photographie, c'est avant tout passer beaucoup de temps pour figer un fragment de temps. Dans le sens où si vous allez à un endroit, par exemple, si vous allez à un endroit... je sais pas, on va en haut du Yonnek, par exemple. Ben, en 2 minutes, faites-moi une photo. Donc en 2 minutes, vous allez réaliser toute une série de photos. Belle, pas belle, peu importe. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que si je vous dis, bon, maintenant, au lieu de 10 minutes, vous avez 20 minutes, ben, vous allez faire des photos encore plus belles. Si je vous dis, maintenant, vous restez une heure, et vous allez faire encore des photos encore plus belles. La photo, vraiment, c'est juste une notion de temps. Y passer beaucoup de temps pour justement figer un très beau moment de temps, c'est plus comme ça que je décrirais le truc. C'est temps pour temps. De la minutie, du coup. Pardon ? De la minutie et de la rigueur, du coup. Oui. De la patience. La patience, après, c'est même pas forcément de... C'est quelque chose d'hypnotique. Enfin, moi, pour ma part, c'est même pas de la patience. Alors, pour un photographe animalier, oui, ça doit être le cas. Pour un photographe mm-hmm. animalier, il y a de la patience. Il y a, évidemment, au bout d'un moment, je pense qu'il y a de la patience. Il faut ça. Après, en ce qui me concerne, moi, c'est quelque chose qui m'hypnotise. Quand je suis à un endroit où je vois beaucoup de détails, beaucoup de choses à prendre, beaucoup de trucs, et ça se bouscule... Je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal à décrocher. Enfin, comme beaucoup de photographes, hein, beaucoup de photographes sont comme ça. Et en général, on a vraiment beaucoup de mal à décrocher avant qu'on n'ait pas la satisfaction d'avoir tout pris, tout photographié, tout... Enfin, comme on l'entend, en tout cas, hein, comme on l'entend de ce qui nous fascine. Alors, si vous ne pouviez prendre que 3 photos pour le restant de votre vie, ça serait quoi ? Que 3 photos ? Pas 3 choses différentes, que 3 photos. Les 3 dernières photos, en gros. Ce que vous voulez, n'importe quelle photo. Mais c'est les 3 dernières de ma vie. Voilà, c'est ça. Ouais. Paysage, personne... Moi, je pense que oui, il y en aurait une de paysage, il y aurait forcément un portrait, et puis il y aurait une photo des fenêtres ouvertes. Mm-hmm. Dans le sens où je reviens un peu aux expositions que je réalise avec Gérard Mesqui et puis avec d'autres personnes. C'est des expositions d'ambiance, dans le sens où j'estime qu'aujourd'hui, il y a tellement de photographies qui sont éparpillées partout sur la planète, tellement en gros de photographes amateurs ou professionnels. Et je le dis en passant, la différence entre un photographe amateur et professionnel, c'est juste le fait qu'il y en a un qui veut facturer et pas l'autre. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Mais bon, on a tellement de photographes sur la planète aujourd'hui que aujourd'hui de faire une belle photo, je pense pas que ce soit très compliqué. Mais vraiment, hein, je le pense sincèrement. De réaliser une belle photographie, c'est aujourd'hui ce qui nous entoure. On est entouré d'images, on est entouré de belles images, on est entouré de communication, on est entouré de choses pour nous faire rêver. Donc, fatalement, on grandit avec un cadrage qui est déjà avec un cadrage des photographies, une certaine idée de l'image et de la photographie. Et ensuite, il y a juste à l'appliquer. Mais par contre, dans les expositions, voilà ce que j'essaie de faire, c'est de toute façon de faire intervenir des photographes qui, moi, à mes yeux, déjà me plaisent. Hein, ça me paraît essentiel. Mais surtout, les photographies vont être là pour entre guillemets habiller la forêt. Hein. Évidemment, la forêt n'a pas besoin d'habillage. Elle est déjà assez belle comme ça. Mais pour nous mettre dans une abîme particulière. Les photos vont être similaires, voilà, comme le titre des expositions, à des fenêtres ouvertes. On est au salon, et puis depuis le salon, on voit quelque chose de complètement improbable. C'est comme si vous habitez toute l'année à Gérardmer, et puis que du jour au lendemain, vous mettez la même maison avec un arrière-plan à volcan. Ben, c'est quelque chose qui est assez particulier. Et c'est sur le même principe d'une œuvre d'art, un tableau que vous avez dans votre salon. Si vous le passez de votre salon au salon d'un ami, l'œuvre d'art va, que ce soit une peinture, une photo ou une sculpture ou peu importe, va rendre, je vais pas dire complètement différent, mais l'ambiance, la teneur de l'œuvre va être interprétée différemment, va être ressentie différemment selon l'endroit où elle est. Et voilà, dans les expositions, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça que les photos, d'une manière générale, les clichés qui sont exposés, d'une manière générale, sont assez spacés entre elles et loin du sentier. C'est voilà, pas forcément obligé de s'approcher des photos pour voir le détail de la photo. L'œuvre des fenêtres ouvertes, c'est entre guillemets, hein, si je peux dire ça, c'est de faire un petit peu de faire un peu travailler son esprit, un peu bloquer quelque part l'esprit. Alors, vous avez pris des photos avec d'autres photographes, mais des paysages hivernales. Pourquoi cette saison en particulier ? Pour contraster justement avec ce côté été, pour contraster également avec la chaleur. On avait anticipé un peu la chaleur écrasante qu'allait faire cet été. Et donc pour contraster voilà, avec ce côté-là, se balader dans une forêt de feuillus et puis tout en contemplant des fenêtres où c'est l'hiver. Ça avait déjà été fait, c'était aussi le clin d'œil de la 10e, vu que c'est la 10e exposition cette année, de la première exposition que j'avais réalisée en 2014 dans le parc du Trexo à Gérardmer avec la complicité de la ville de Gérardmer, où c'était 9 photos d'hiver fondues dans le feuillage d'été du parc du Trexo à Gérardmer. Alors est-ce que vous vous intéressez à l'environnement ? Oui. Alors après, je suis pas un militant, mais je pense comme un peu tout le monde aujourd'hui, on est un peu obligé. Inconsciemment, je pense qu'on est tous plus ou moins intéressés, oui, forcément. C'est le genre de sujet maintenant, voilà, on peut fatalement plus l'ignorer, parce qu'il commence à nous mettre un peu à nous mettre quelques difficultés. Est-ce que vous avez observé des choses différentes au niveau des paysages d'une année à l'autre, par exemple la fonte des glaces, la neige tardive ou inexistante ? Alors neige tardive ou inexistante, oui. Il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques étés, on a eu un rafraîchissement très violent au mois de juin, je crois, et ce qui a glacé les bourgeons. Et donc pendant tout l'été, on a eu des arbres, enfin les feuillus étaient automne sur la route des crêtes, ça c'était particulier aussi. Après vous avez des étés comme celui-là, ou comme cet été-là, ou l'été 2020, où là on voit clairement que ça a cramé les prés, ça a cramé les feuilles, chose qu'il n'y avait pas moi par exemple quand j'étais, quand j'avais 10 ans, 15 ans ici, c'était... On pouvait même pas imaginer un été comme ça ici il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les étés, ça pouvait faire 3-4 semaines de pluie non-stop. Il pouvait neiger au mois d'août. Moi, plus jeune, j'ai déjà eu de... Alors, c'était pas courant, mais ça arrivait, ça pouvait arriver qu'il neige au mois d'août au Honeck. Ah oui. Oui. Ça devait être quelque chose à voir, ça. C'était... ouais, ou pas. Mais disons, avec ce qui se passe aujourd'hui, oui, je vous confirme que c'était quelque chose à voir. C'était vraiment quelque chose à voir. Et il pouvait surtout faire 6 semaines de pluie non-stop, en plein mois de juillet ou plein mois d'août. Enfin, pendant tout l'été, on pouvait avoir que de la flotte tout le temps. Ah, ça, c'est un peu plus embêtant, par contre. Oui, mais c'était comme ça, on est habitué comme ça, c'était comme ça. Enfin, voilà, c'était... Et aujourd'hui, quand on voit les étés qu'on a, ou même parfois sur certains étés, je repense notamment, je crois, à l'été 2020 qui a été plus ensoleillé dans les Vosges que dans la Côte d'Azur. Enfin, il me semble que c'est ça. Mais oui, quand on entend ça, c'est vrai que c'est incroyable. Quand on voit ce que c'était les étés avant à Gérardmer, et je dirais même dans le massif des Vosges, peut-être plus côté vosgien du coup, avant, et ce qu'on a aujourd'hui, oui, on peut que le voir et l'accepter. Enfin, c'est comme ça, il faut l'accepter, de toute façon, on n'a pas le choix, mais on peut que le voir en tout cas, oui. Je me rappelle d'un hiver où il y avait de la neige, mais c'était vraiment dans les petites villes. J'allais chez mes grands-parents, ça s'appelait à la Madeleine, près de la Neuville, devant Nancy, donc près de Nancy. Et il y avait au moins 15-20 cm de neige le jour de Noël. Ça se verra plus, ça, maintenant. Très peu probable. Très peu probable. Est-ce que vous pensez que les problèmes climatiques, c'est de notre faute, dû aux consommations d'énergie ? Ce qui est sûr, c'est que l'accélération... Après, un problème climatique, c'est un problème pour nous. Est-ce que c'est réellement un problème pour la planète ? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Mais c'est un problème pour nous. D'accord. Mais moi, je ne vois pas le problème. Disons qu'à l'échelle de vie de la planète, je pense pas. Je pense qu'elle va nous dégérer assez simplement. Si vraiment on veut y aller sur un côté tragique, je me dis que le vrai problème, oui, il est pour nous. Il n'est pas spécialement pour la planète. Alors nous allons faire une dernière pause musicale, puis nous parlerons de l'exposition qui se déroule depuis le 1er août et jusqu'au 30 septembre à Gérardmer. À tout de suite sur Radio Gémozo. I'm deep diving into your emotions. And sometimes I think I might be broke. But you're bringing back all my feelings. And I fucking love it. I'm deep diving. I'm deep diving. I'm deep diving. I'm deep diving. I'm deep diving into your emotions. I'm deep diving. want you to see me, Fred. I'm here. Voilà avec Julien pour parler d'un événement qui se déroule depuis le 1er août et jusqu'au 30 septembre. Alors Julien, que se passe-t-il depuis le 1er août ? Alors le 1er juillet, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe depuis le... Donc c'est la dixième édition des fenêtres ouvertes, donc exposition photographique où des photos grand format sont fondues dans les branchages, dans les arbres. Où c'est voilà, on a l'impression que c'est des où la trace humaine en fait est la plus discrète possible pour pouvoir s'évaporer en regardant la photo. Après ça marche pas chez tout le monde, mais voilà. Donc cette année, donc pour la dixième, on a huit photographes où on s'est tous rencontrés, on se connaît tous d'Instagram à la base. Donc vous avez Emmanuel Henry, Isabelle Hugel, Damien Guyot, Laura Delbecq, Explora Drone ou Laura Deville Deschamps sur Instagram. Vous avez Vincent Schneider de Colmar, Lilia Andréani, Anthony Dimitri et Cathy Laporte. Donc voilà, huit photographes qui ont chacun leur particularité, chacun leur manière de faire, qui font partie du projet. Et ils ont tous deux photographies, deux photos exposées. Et donc c'est que des photos d'hiver. C'est des photos d'hiver où le massif des Vosges est chéri l'univers, au travers de leurs yeux. Pardon pour le cafouillage. Alors, pourquoi ce nom de fenêtre ouverte sur Instagram ? Alors déjà, fenêtres ouvertes, c'est un mot qui est récurrent. Enfin, le nom des expositions s'appelle comme ça depuis le début. Et ensuite, à chaque fois, on rajoute derrière juste le thème. Donc là, c'est Instagram cette année, dans le sens où c'était quand même un événement. Je crois que dans les Vosges, en tout cas, il y a beaucoup de photographes, beaucoup d'Instagrammeurs dans les Vosges. Et il n'y avait jamais eu d'exposition comme ça qui rassemblait des Instagrammeurs. Je ne vais pas dire les meilleurs, parce qu'on ne sait pas au final. Un jour, c'est l'un, un jour, c'est l'autre. On ne sait pas. Enfin, on est tous les meilleurs au final. Mais voilà, ça avait jamais avec l'essor que comptent les réseaux sociaux. Voilà, je m'étais dit que ce serait quelque chose d'intéressant à faire, de mettre des photos, je vais pas dire connues, mais des photos qu'on peut voir abondamment ailleurs, de les mettre dans une forêt comme ça, et puis de nous faire partager un peu tous ces photographes là, qui a une connexion entre plusieurs photographes. Et donc ça c'est, après c'est qu'un début. Après pourquoi pas par la suite faire intervenir d'autres photographes, etc. Enfin après maintenant c'est vrai que c'est moi, pour mon travail à moi dans la photographie, donc ce qui me fascine, moi, c'est de mettre une photo dans un cadre différent et d'en faire des photographies. Donc pour ça, après, moi, il y avait besoin de photographes, et donc de faire intervenir divers et variés divers photographes par la suite, voilà, c'est quelque chose que je vais continuer. Alors, combien de photos sont exposées ? Donc, il y en a 16 en tout. Donc, il y en a 2 par photographe. Pour des raisons de budget, il n'y en a pas plus. Hein. S'il y en a qui se posent la question, voilà, c'est le fait qu'il n'y en ait pas plus, c'est des questions de budget. Mais bon, ça fait déjà le taf. Hein. 16 photographes, il y en a certaines, elles sont très bien condensées dans un sous-bois, donc l'effet est vraiment, vraiment cool. Si vous voulez voir des photographies, il y a déjà des photographies ou des vidéos qui tournent un peu sur la page de Gérard Mestation ou sur Instagram, Facebook et Instagram de Gérard Mestation, ou sur mon compte, sur Cuisine Images, où j'ai déjà posté des photos exposées. Alors, quel est leur format aux photos ? Alors, les photos, donc la plupart font du 130 sur du 190 cm, donc ce qui fait à peu près de 250 cm². Et il y a 2 formats juste qui font 1 mètre sur 160. Il y en a 2 comme ça, et sinon toutes les autres, il y en a 2 comme ça et 14 de 130 sur 190. Donc c'est vraiment du très très gros format, il n'y a pas de cadre, histoire de limiter au plus possible la trace humaine, qu'on croit vraiment à des illusions et à des mirages. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant avec les photos-là ? Bah avec ces expositions, ce que je cherche à faire, c'est de voyager, de, comment dire, de s'évaporer, des petits moments où on peut s'autoriser à s'évader. Puis après, avec ces photos-là particulièrement, c'est de contraster entre l'été et l'hiver. À chaque fois sur les thèmes qu'on a fait, on a travaillé par exemple en l'hiver 2016-2017, on a exposé des photos d'ailleurs que j'avais été prendre avec ma compagne de l'époque, avec des animaux d'Afrique du Sud. On avait exposé des photos d'Afrique du Sud, des animaux d'Afrique du Sud, donc de la savane. Il y avait des lions, des girafes, des hippopotames le long des pistes de ski de Gérardmer, donc ce qui donnait un contraste assez extraordinaire. On a fait également la Nouvelle-Calédonie, donc des photos sous-marines, des photos de plages paradisiaques, pareil, exposées dans les sapins vosgiens d'hiver. On a fait aussi les villes du Grand Est, donc un côté très urbain dans un côté très sauvage, c'était assez cool aussi. L'année dernière, on a exposé Florent Defay, explorateur autour du monde, navigateur, qui a passé 6 mois dans le désert de Gobi et en Mongolie d'une manière générale. Donc l'année dernière, voilà, c'était des photographies en plein hiver du désert de Gobi et de Mongolie en général. Et voilà, donc on essayait toujours systématiquement de contraster vraiment avec le présent et le moment des photos. Et l'année prochaine, je pense que cet hiver, c'est possible que les photos qui ont été exposées cet été soient réexposées cet hiver et de renouveler, de changer les photos à partir de l'été prochain, où là, pareil, le thème choisi va être... bon, j'ai déjà quelques suggestions, je me suis déjà fait quelques suggestions qui sont très contrastées avec l'environnement qu'ils entourent. Elles se trouvent où, les photos ? Alors elles se trouvent sur l'auberge de la Drozera, sur le bas du domaine nordique de Gérard Mestation. Auberge de la Drozera, et vous allez en direction de la... Donc vous avez des panneaux sur place qui vont vous indiquer flécher sur le chalet des forfaits, vous aurez un panneau qui vous indique exactement la direction de l'exposition, mais vous allez en direction en fait du petit tremplin de Swarovski, donc pas le grand qui se trouve au sud, mais vous allez à l'ouest, en direction du petit tremplin de Swarovski, du tremplin de Swarovski Initiation. Et quand vous arrivez au niveau du tremplin, c'est la piste qui est sur votre gauche en montant. Donc la deuxième piste à gauche en montant. Est-ce qu'il y a des horaires précis pour aller les voir ? Non, vous pouvez aller les voir quand vous voulez, par n'importe quel temps. C'est ça qui est marrant dans les photos, dans ces expositions extérieures, c'est que peu importe le moment, peu importe le temps, bah, les photos vont vous paraître assez différentes. Mais sinon, vous pouvez aller de nuit, vous pouvez y aller... non, il n'y a pas de... C'est open. Est-ce que les photographes sont là pour parler avec les visiteurs ? Non. Jamais ? C'est compliqué, on est... donc ils sont 8... nous on s'est jamais rencontrés tous ensemble une seule fois. On a un groupe sur Instagram où on discute tous ensemble, mais après on est tous très occupés, donc de faire venir une seule journée tous comme ça, c'est vrai que c'était un peu particulier. Et après on n'est pas... j'en ai parlé un peu avec eux, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément sur cette optique de vernissage, de machin, de léchage d'oreilles. pour reprendre l'expression d'intouchable. Mais voilà, de ce petit léchage d'oreille qui est indispensable. Hein. Après, je crache pas dans la soupe, évidemment, c'est quelque chose qui est indispensable à faire dans nos métiers. Mais je crois que dans tous les photographes qui sont là, on est tous un peu sur la longueur d'onde là-dessus. Après, s'il y a des gens qui ont des questions, moi d'abord, je reste permanent, il y a un numéro de téléphone accessible, ou moi me contacter. Et s'il y a des gens qui veulent, par exemple, il y a des gens cet été qui ont voulu avoir des renseignements pour potentiellement acheter des photos. Donc moi, ils m'appellent moi en premier, puis moi, je retranscris aux photographes concernés. Et puis après, donc il y a quand même une boucle qui se fait. Mais après, concrètement, de parler de photographie, de ce qu'on aime, voilà, que je parle en mon nom, Non, je suis pas vraiment fan de ça. Du coup, comment on peut vous contacter ? Eh ben, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez mon numéro de téléphone qui est sur le site internet. Maintenant, vous avez la station de ski aussi qui pourra vous communiquer mes coordonnées. Et vous avez, bon voilà, après j'ai grandi sur Gérardmer, donc il y a aussi pas mal de monde que je connais, qui me connaissent, donc voilà, ça peut... Mais après, sinon, tous mes contacts concrets, adresse mail, numéro de téléphone, etc., Facebook et Instagram, au nom de Kissnet Image. D'accord. Est-ce que vous avez des futurs projets après cette exposition ? Oui, oui, c'est... Bah, c'est de... Alors, pourquoi pas d'enchaîner ? Donc là, après, je parle sans vraiment avoir de recul. Hein. J'avance des choses, c'est des souhaits. Hein. C'est plus des souhaits pour l'instant que des choses vraiment calées, actées. Mais bien évidemment, renouveler les fenêtres ouvertes 11e édition l'année prochaine, avec un thème qui sera particulier. Puis j'ai d'autres projets, évidemment, en photographie qui... J'en ai un gros, mais qui est... Je peux pas en parler pour l'instant, c'est encore à l'état de projet, je peux pas en parler pour l'instant. Mais c'est quelque chose plus à niveau, au niveau national, ou ah oui. Même régional, oui. Mais ça, après, c'est pas quelque chose de familier non plus. Hein. Je dis juste que c'est national dans le sens où ça va pas forcément se passer qu'à Gérardmer, ça peut se passer potentiellement dans différentes villes du Grand Est, et pourquoi pas terminer en Île-de-France. Mais c'est vraiment un projet lointain. Ça, c'est un projet que j'ai assez longtemps en tête à faire, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est des opportunités, c'est des gens à rencontrer, c'est des bonnes... Pour le coup, là, on est vraiment dans la partie, du métier, entre guillemets, d'artiste, où le relationnel, le réseau est primordial. Et pour ce projet-là, justement, j'ai besoin d'un réseau et de personnes voilà qui marchent dans ce projet et qui croient et qui me présentent des gens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Bah d'être heureux, tout simplement. Et c'est la base. Oui, c'est la base. Si je suis heureux, c'est que tout marche bien. Alors cette émission est maintenant terminée. Julien, merci d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup à toi. Très belle interview. Merci beaucoup. J'en suis ravie que ça t'ait plu. Alors j'espère que de nombreuses personnes iront voir votre expo qui se déroule, rappelons-le, depuis le 1er juillet et jusqu'au 30 septembre à Gérardmer. Quant à nous, auditeurs et auditrices de Radio Gémozo, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde. Bye bye.